بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين وبعد. Donc on reprend بإذن الله nos cours de tafsir. Nous avions terminé la dernière fois la surat Al-Qadr. Naam. Et donc nous allons passer maintenant à surat Al-Alaq. Hein? Bayina, on l'a fait, c'est avant. Bayina, elle a appris Al-Qadr. Al-Alaq. Les Sakadalik, n'est-ce pas? Taïf. On a fini Al-Qadr, hein? Hein? Taïf. Donc on commence. قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فهذه الآيات أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم. Donc ces versets, comme vous le savez tous, sont les cinq premiers versets qui ont été descendus sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont les cinq premiers versets du Coran qui ont été donnés au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme il a été rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam muslim dans un long hadith. Nazalat alayhi wa huwa yata'abbad fi ghari Hira. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالوحي أنه يرى الرؤيا في المنام فتأتي مثل فلق الصبح صبح يعني يحدث ما يصدق هذه الرؤيا ويحدث ما يصدق هذه الرؤيا. Donc ces versets, comme on a dit, sont les premiers versets du Coran à être révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il se trouvait dans la grotte de Hira. Il était en train d'adorer son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et donc ce sont les premiers versets avec lesquels la révélation a débuté. D'accord ? Il y en a du Coran. Cependant, la révélation a débuté avant ceci, avec des rêves véridiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu lors de son sommeil. Comme ceci a été rapporté par notre mère Aïcha radiallahu anha, qui a dit que la première révélation qui a été donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est des rêves véridiques qui ont été donnés lors de son sommeil. فَلَمَّا كَانَ يَرَى هَذِي رُؤْيَا الَّتِي التي تجئ مثل فلق الصبح حبب إليه الخلاء. Donc quand ces rêves véridiques sont apparus au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a donc voulu, il a désiré quoi? Le fait de s'isoler. يعني أن يخلو بنفسه ويبتعد عن هذا المجتمع الجاهلي. C'est-à-dire, il a voulu s'isoler, lui seul, et s'éloigner de cette société de la jahiliya pré-islamique. فَرَأَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ أَحْسَنَ مَا يَخْلُو بِهِ هَذَا الْغَارُ الَّذِي فِي جَبَلِ حِرَى وَهُوَ غَارٌ فِي قِمَةِ الْجِبَلِ لَا يَكَادُ يَسْعُدُ إِلَيْهِ الْإِنسَانِ الْقَوِيِّ. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam à penser que le mieux pour s'isoler, c'est de se rendre dans cette grotte. Cette grotte qui se trouve sur la montagne de Hira, à la Mecque. Et c'est une grotte qui se trouve tout en haut d'une montagne. Et il est très difficile d'y monter. Il est très difficile pour un homme fort d'y monter, d'y accéder sans difficulté. Il est obligé d'avoir la difficulté pour atteindre cette grotte. On ouvre une parenthèse, en mettant en garde contre cette pratique innovée de certaines personnes lorsqu'ils visitent Mecca, ils vont dans la grotte. Ils vont dans la grotte en pensant qu'ils ont un mérite spécial, en pensant qu'ils vont prendre la baraka, en pensant que c'est la sunna ou je ne sais quoi. Et tu les vois monter dans la montagne, des fois même mettre leur vie en péril pour atteindre un lieu où il n'y a aucune adoration à faire. Et au contraire, c'est une innovation dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous passez à toute heure, à tout moment devant la montagne, vous voyez une file indienne de personnes qui montent dans la montagne, dans la grotte. Et même certains prêcheurs du faux et de l'égarement se permettent de monter là-haut et de faire des vidéos pour envoyer sur YouTube ou sur Twitter pour appâter la galerie ou pour amuser la galerie et ils font un cours dans la grotte. Allah al-musta'an. Tout ceci ne fait pas partie de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, s'est isolé dans cette grotte afin de quoi ? Afin de méditer, afin de se retrouver avec son Seigneur subhanahu wa ta'ala. فَكَانَ يَسْعُدُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَيَتَحَنَّثُ يَتَعَبَّدْ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي هَذَا الْغَارِ الليالي ذوات العدد يعني عدة الليالي. Et donc il montait dans cette grotte sallallahu alayhi wa sallam afin de quoi? Afin d'adorer son Seigneur, afin de réfléchir, de méditer sur la création et sur son créateur. Parce que je vous rappelle que les Quraysh, les Arabes de Quraysh, croyaient en Allah, croyaient que Allah, c'est lui le créateur, c'est lui qui fait vivre, c'est lui qui fait mourir, c'est lui qui donne la subsistance. Tout ceci, ils le croyaient. Ils croyaient en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le Quraysh, c'est où ils ont fauté? C'est lorsqu'ils ont adoré autre qu'Allah. Mais Tawhid al-Rububiyya, ils y croyaient. Ils croyaient en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le prophète allait s'isoler un certain nombre de nuits dans cette grotte. وَمَعَهُ زَادْ أَخَذَهُ يَتَزَوَّدَ بِهِ مِنْ تَعَمْ وَالشَّرَابِ. Et donc il a avec lui des provisions qui lui permettent de tenir dans cette grotte parmi la nourriture et la boisson. ثُمَّ يَنْزِلُ وَيَتَزَوَّدَ لِمِثْلِهَا مِنْ أَهْلِهِ وَيَلْجِعُ وَيَتَحَنَّثُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ. Et lorsque ses provisions se terminaient, il retournait chez lui. Il regroupait de nouvelles provisions et il retournait dans la montagne, dans la grotte, afin d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. إلى أن نزل عليه الوحي وهو في هذا الغار. Jusqu'à que la révélation fut descendue sur lui et qu'il se trouvait dans cette grotte. أتاه جبريل عليه السلام وأمره أن يقرأها فقال ما أنا بقاري. Alors Jibril est venu avec lui, l'ange Jibril alayhi salam, et il lui a dit, il lui a ordonné de lire. Iqra. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ma ana biqari, yani ma ana biqari, yani lastu min dhawil qira'a. C'est-à-dire je ne sais pas lire. Je ne peux pas lire, je ne sais pas lire. Wa laysa al-murad al-ma'siya li amri Jibril. Très important. Ici, le sens de « je ne suis pas un lecteur » ou « je ne sais pas lire », ça ne veut pas dire la désobéissance à Jibril. Non, je ne lis pas, je ne veux pas lire. Non, il ne sait vraiment pas lire. Il ne sait pas lire. « لَكِنَّهُ لَا يَسْتَتِعْ لَيْسَ مِنْ ذَوِي الْقِرَاءَ إِذْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ كَانَ أُمِيًّا كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَآمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّي. Il ne pouvait pas lire. Ils ne savaient pas lire. Car comme vous le savez, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était illettré. C'est-à-dire qu'il ne savait ni lire ni écrire. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans son surat Al-A'raf, hein, et ils ont cru en Allah et en son messager, le prophète illettré. فَكَانَ لَا يَقْرَى وَلَا يَكْتُبُ وَهَذَا مِنْ حِكْمَةِ اللَّهِ أنه لا يقرأ ولا يكتب حتى تتبين حاجته وضرورته إلى هذه الرسالة. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas lire et il ne savait pas écrire, et ceci fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la mesure où il ne savait ni lire ni écrire, et où ceci nous montre et nous clarifie le grand besoin du prophète sallallahu alayhi wa sallam au message. Yani, comment c'est possible qu'un arabe, hein, au fin fond de la péninsule arabique, qui ne sait ni lire ni écrire, puisse ramener, hein, le récit des peuples précédents, puisse nous ramener, hein, les informations concernant les communautés précédentes, ainsi que ce qui va se passer après la mort? Et donc, on ne peut pas lui dire, on ne peut pas reprocher, dire « Non, mais il a dû lire dans les anciens livres. Il a dû lire dans la Torah. Il a dû lire dans l'Évangile. » Non, il ne sait pas lire. Il ne sait pas écrire. Ceci, min hikmatillahi subhanahu wa ta'ala. Ceci, hein, par sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. « Wa hatta la yabqa li shakin shakka fi sidqihi » Afin qu'aucune personne qui doute, hein, ne doute de sa véracité, sallallahu alayhi wa sallam. وقد أشار الله إلى هذه في قوله وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبتلون. Et Allah subhanahu wa ta'ala a indiqué cela dans sourate Al-Ankabut lorsqu'il a dit: et tu ne peux pas réciter ce qui est venu avant toi des livres. Et tu ne peux pas écrire avec ta main droite, hein, afin, hein, de repousser les fausses accusations des négateurs. وقال له ما أنا بقاري فرده مرتين وثلاثة. Et lorsqu'il a dit, hein, ما أنا بقاري, je ne sais pas lire, qu'est-ce qu'il a fait Jibril alayhi salam? Il l'a pris et il l'a serré très fort, à tel point, hein, à tel point qu'il a failli s'évanouir, sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci s'est répété deux ou trois fois. Une fois qu'il a retrouvé ses esprits, il a dit « Iqra ». Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Ma ana biqari ». Je ne peux pas lire. Alors il l'a resserré très fort, hein, jusqu'à qu'il faillisse s'évanouir. Et lorsqu'il a retrouvé ses esprits, il lui a dit « Iqra ». Il a dit « Ma ana biqari ». Il l'a resserré très fort. Les ulémas ont donné plusieurs, hein, raisons au fait que Jibril alayhi salam, hein, l'a serré très fort. Certains ont dit parce qu'il allait recevoir quoi ?« Qawlan faqila ». Il allait recevoir une parole lourde. La révélation était lourde sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein, as-sahaba, lorsqu'il mentionne « Jazakallahu khairan », lorsque le prophète recevait la révélation, il le voyait souffrir parce que c'était lourd sur lui, c'était difficile. C'était quelque chose de lourd. Donc certains ulémas, certains savants ont mentionné, hein, que justement Jibril allait le préparer à ceci. D'autres ont mentionné que Jibril veut lui montrer que ça y est, c'est fini le temps du repos. Yani, c'est fini le temps. Là, le Coran t'a été révélé. Et ça va être maintenant le temps de la difficulté, des préjudices dus à la da'wa et à l'appel à l'islam, etc. Et d'autres parmi les explications que les savants ont données à cela, hein, retourner par exemple à la parole d'Ibn Hajar dans Fath al-Bari. Et là, bien sûr, ici, Cheikh Al-Uthaymeen, rahimallahu ta'ala, il a résumé, hein, le hadith de Aïcha qui mentionne, hein, la révélation, comment elle a été descendue sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ces ayat, khamsu ayatin nazalat faraja'a biha an-nabi sallallahu alayhi wa sallam يرجف فؤاده من الخوف والفزع حتى أتى إلى خديجة. Donc ces cinq versets, hein, lorsque le à Djibril, hein, la série une troisième fois, il a dit اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Il lui a appris ces cinq premiers versets de sourate Al-Iqra. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti de la grotte et est parti à la Mecque et s'est rendu vers son épouse Khadija bint Khuwaylid radiyallahu anha. Hein? Et il était apeuré, son cœur frémissait de peur et d'angoisse avec ce qu'il a vécu. Imaginez-vous mes frères, hein? Essayez de vous imaginer le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans cette grotte seul. Hein, vous savez là, une grotte, comment, c'est pas un palace, hein? Un ange qui vient à lui, qui le serre, qui lui donne la révélation. Allahu Akbar. Le prophète était apeuré et est parti donc voir sa femme Khadija. Là, le shir n'a pas mentionné le suite du hadith, et il a mentionné celui qui veut plus de détails qu'il retourne, hein, au début de Sahih al-Bukhari, dans lequel l'imam al-Bukhari a rapporté le hadith de Aisha radiallahu anha. Al-Muhim bil-Ikhtisar, en résumé, Khadija lui l'a soutenu. Khadija l'a réconforté. Hein? Et ainsi sont les femmes pieuses. Elles réconfortent et elles soutiennent, hein, leur époux lors des moments difficiles et lors des moments d'angoisse et de peur. Et donc elle a dit, Allah ne va pas t'humilier. Allah ne va pas t'humilier. Tu respectes les liens de parenté. Tu donnes l'hospitalité aux invités. Tu soutiens le pauvre et le faible, etc., etc. Il lui a montré ses qualités. Allah ne t'humiliera pas. Alors elle l'a pris avec lui, elle l'a emmené vers qui? Son cousin à elle, qui s'appelait Waraqa ibn Nawfal. Waraqa ibn Nawfal était un homme très âgé, qui était sur la religion chrétienne, et qui lisait l'hébreu, et qui avait lu les anciens textes, et qui était aveugle. Et lorsque Khadija a amené Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam auprès de Waraqa, elle lui a dit, raconte-lui ce qui s'est passé. Alors il lui a raconté, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a raconté, hein, ce qui s'était passé. Alors Waraqa ibn Nawfal a dit, hadha an-namus alladhi ja'a ila Musa. Il a dit, ceci est an-namus. An-namus est un nom de qui? De Djibril alayhi salam, qui est venu à Moussa. Et il a dit, Waraqa ibn Nawfal, j'espère être encore vivant, hein, lorsque ton peuple va t'expulser. Ou alors il a dit, j'aimerais être fort, hein, pour te soutenir lorsque ton peuple va t'expulser. Alors le prophète, étonné, je vous rappelle que le prophète, hein, dans la Jahiliya, était une des personnes les plus aimées de chez Quraysh. Il était appelé Al-Amin, le digne de confiance. Il était respecté, honoré. Il venait d'une tribu noble de Quraysh, Banu Hashim. Il était très respecté. Alors, il ne comprenait pas comment son peuple allait l'expulser. Alors, Waraqa ibn Nawfal lui a expliqué, aucun de ceux qui sont venus avant toi avec le même message n'a pas été expulsé. Tous ceux qui sont venus avant toi avec le même message ont été expulsés. Et si je suis encore vivant à ce moment-là, alors je te soutiendrai. Et comme raconte le narrateur du hadith, hein, peu de temps après, Waraqa ibn Nawfal est mort. Est mort. Et à ce sujet, hein, Shir al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, si je ne me trompe pas, c'est dans son charh de l'Aqid al-Wasitiyya, mais j'ai oublié exactement dans quel livre il le mentionne, ou peut-être al-Usul al-Thalatha, j'ai oublié, subhanallah. Al-Muhim, il mentionne Shir al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, que certains ulema ont dit que Waraqa ibn Nawfal, c'est le premier sahabi. C'est le premier sahabi à croire au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Malgré le fait qu'on, hein, qu'il est de coutume, ou qu'il est connu que le premier sahabi, le premier homme à croire, oui, c'est qui? Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Mais certains ont dit, comme Cheikh Al-Uthaymin, a rapporté cette parole, que en fait c'est Waraqa ibn Nawfal. Parce qu'ici, il croit au prophète. Il l'a vu. Et le prophète a déjà reçu la révélation. رضي الله عنه ولقى من نوفل المهم. Ça, c'est bi-ikhtisar, en résumé. Ceux qui veulent plus de détails, retournez au hadith mentionné dans Sahih al-Bukhari, notamment au début de Sahih al-Bukhari ou dans Sahih Muslim. Ensuite, il nous dit donc, Allah Azza wa Jal, là c'est pour le contexte, quand est-ce que sont descendus ces versets. J'aimerais ouvrir une parenthèse qui n'a pas mentionné ici Cheikh al-Uthaymeen. C'est une shubha qui est très répandue dans la communauté. C'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est redescendu, la révélation s'est arrêtée. La révélation s'est arrêtée. Un certain nombre de temps. Et Allahu a'lam le nombre exact. Certains ont dit quelques jours, certains ont dit quelques semaines, certains ont dit quelques mois. Et Allahu a'lam, il n'y a aucun texte authentique qui mentionne combien de temps la révélation s'est arrêtée entre Iqra bismi rabbika alladhi khalaq et le deuxième c'est quoi ? Ya ayyuhal muddathir. Allahu a'lam le temps exact. Il est mentionné, et c'est répandu chez beaucoup de personnes, qu'à ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a connu une grande tristesse due à la coupure de la révélation. Et il est mentionné qu'il s'est dirigé en haut d'une montagne, afin de quoi ? De se jeter de la montagne, de se suicider. Et ça, c'est connu chez certaines, dans la communauté musulmane. Pourquoi ? Parce que dans Sahih al-Bukhari, justement, cette histoire est mentionnée. Que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est monté en haut de la montagne, d'une montagne, et a voulu se jeter. Dû à la grande tristesse de la coupure de la révélation, mais Jibril, à chaque fois, l'a empêché. Vous voyez ? Comment on répond à cette ambiguïté ? Comment c'est possible que le prophète ait eu des envies de suicide ? Ceci ne sied pas au rang du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ceux qui vont défendre cette parole vont dire « Sahih al-Bukhari ». Qu'est-ce qu'on va dire ? Il faut savoir, mes frères, quelque chose de très important. Dans Sahih al-Bukhari, dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, l'imam al-Bukhari il a rapporté les hadiths, comme on sait, avec des conditions très strictes sur l'authenticité des hadiths. Et même, c'est le muhaddith, c'est le savant du hadith, qui a mis les plus dures conditions d'authenticité dans son livre. Voilà pourquoi on dit Sahih al-Bukhari, c'est le livre le plus authentique de l'islam, après bien sûr le Coran. D'accord ? Parce qu'il a mis des conditions strictes afin d'enlever tout ce qui peut être faible dans le hadith. Mais il faut savoir que l'imam al-Bukhari, mes frères et mes sœurs, il a mis aussi dans son livre certains hadiths qui ne sont pas selon les conditions qu'il s'est imposées pour son sahih. Et ces hadiths, on les appelle les hadiths mu'allaqa. Dans certains chapitres, il a mis des hadiths comme ça pour diverses raisons. Et le fait d'exposer ça sera trop long. On apprend ça dans la science du hadith. Il a mis certains hadiths dont l'isnad n'est pas, dont la chaîne de transmission n'est pas muttasil, yani qui n'est pas relié les uns avec les autres. Il y a une coupure pour certaines raisons. Et le grand savant Al-Hafid Ibn Hajar, comme vous le savez, qui a écrit la meilleure explication de Sahih al-Bukhari qui s'appelle Fath al-Bari, il a fait un autre livre à côté qui s'appelle Tahliq al-Tahliq. C'est-à-dire, il a expliqué ou il a mentionné tous ces hadiths dans Sahih al-Bukhari qui ne sont pas sur les conditions d'authenticité que le Bukhari s'est donné. Et il a expliqué et il a mentionné les chaînes de transmission qui viennent authentifier ces chaînes-là dans Sahih Bukhari qui sont coupées. C'est un peu compliqué, mais je pense que vous m'avez suivi. Al-Muhim, ce hadith ou ce passage qui parle du suicide du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vient à la suite du hadith de Aïcha. Et il est mentionné à la fin, وَقَدْ بَلَغَنَا. Et il nous a été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ressenti une grande tristesse, etc. et qu'il est monté en montagne. La parole وَقَدْ بَلَغَنَا, il nous a été rapporté, ce n'est pas Aïcha radiallahu anha qui l'a dit. Comme les savants du hadith l'ont mentionné, comme Ibn Hajar et comme l'imam Bukhari lui-même l'a fait comprendre dans son livre. Cette parole vient de qui ? De Az-Zuhri. De l'imam Az-Zuhri. L'imam Az-Zuhri, mes frères et mes sœurs, il est mort quand ? En 124 de l'Hégire. Il n'est pas un sahabi. Il n'est pas un sahabi. C'est ce qu'on appelle un tabi'i. Donc l'imam Az-Zuhri, il n'a pas rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il n'a pas rencontré les grands sahaba, ceux qui sont morts au début de l'islam. Mais il a rencontré certains sahaba. Et donc voilà pourquoi on dit qu'il fait partie des as-sirar min at-tabi'in. D'accord ? Parmi les petits, entre guillemets, attention. Pas petit au sens péjoratif. Mais petit au sens, yani, qui sont venus à la fin de la génération des tabi'in. C'est-à-dire qu'entre lui et le prophète, il y a une coupure. Et lorsqu'il y a une coupure dans la chaîne de transmission, le hadith, il est da'if. Il est faible. On ne peut pas l'accepter. Donc cette mention qu'a mentionnée l'imam Bukhari n'est pas correcte. Elle n'est pas mentionnée selon les conditions que l'imam Bukhari s'est données pour ces hadiths. Attention. Et ceux qui mentionnent malheureusement cette histoire ignorent. Ignore Sahih al-Bukhari, ignore la méthodologie de l'imam al-Bukhari dans son Sahih. Et ignore la science du hadith. Et il propage ces choses sans science. Wallahu al-musta'an. Bien sûr, ce récit du suicide du prophète, ou du pseudo, on va dire, suicide du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné dans d'autres livres. Mais lorsqu'on vérifie toutes les chaînes de transmission, aucune d'entre elles n'est authentique. Aucune d'entre elles n'est authentique. Elles ne peuvent pas se renforcer les unes avec les autres. Voilà pourquoi on dit que ceci n'est pas correct et n'est pas authentique. Wallahu ta'ala a'lam. Celui qui veut plus de détails, qui retourne à Fath al-Bari, ou alors il retourne à Silsila, ou Silsila al-Ahadith al-Da'ifa, l'imam al-Albani, rahimahullahu ta'ala, qui a clarifié le sujet pour ceux qui parlent l'arabe. Al-Muhim, c'était juste, j'ai voulu clarifier cette shubha, cette ambiguïté, car elle est souvent répandue, malheureusement, dans la communauté. Donc Allah Azza wa Jal dit « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq » يعني Iqra musta'inan bismillah لأنna asma Allah ta'ala kullaha khayr wa kullaha i'ana yasta'inu biha l'insan wa yasta'inu biha ala wudu'ihi wa yasta'inu biha ala aklihi wa yasta'inu biha ala jima'ihi. Donc que veut dire Iqra bismi rabbika alladhi khalaq? Yani Iqra, lis, récite au nom de ton Seigneur. C'est-à-dire, lis, récite en cherchant l'aide au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tous les noms d'Allah azza wa jal, il y a dedans un bien. Wa qala bismi rabbika duna an yaqula bismillahi li'an al-maqam مقام ربوبية والتصرف وتدبير للأمور وابتداء الرسالة فلهذا قال بسم ربك. Vous avez remarqué ici, il dit quoi Allah Azza wa Jal? بسم ربك. Il n'a pas dit Bismillah. Il n'a pas dit au nom d'Allah, il a dit au nom de ton Seigneur. Pourquoi? Parce que ici, à ce moment-là, à cet endroit-là, à ce moment-là, c'est le moment de quoi? De ربوبية, de la Seigneurie. De la Seigneurie. Et comme vous le savez, Ar-Rab ou Al-Khaliq. Ar-Razak. Ar-Razak. C'est lui, Al-Khaliq, le Créateur. C'est lui qui donne la subsistance. C'est lui qui administre toutes choses dans la création. Donc ici, c'est le moment, c'est le temps qui est propice à la Seigneurie. Car c'est le début du message. الذي خلق أي خلق كل شيء كما قال الله سبحانه وتعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الذي خلق, celui qui a créé, celui qui a créé, c'est-à-dire qu'il a créé toutes choses, comme Allah سبحانه وتعالى a dit, il a créé toutes choses, et il a donné la juste proportion à toutes ces choses. وقال الله تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Zumar, et Allah c'est le créateur de toutes choses et c'est lui qui est le garant de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. فما من شيء في السماء ولا في الأرض من خفي والظاهر والصغير والكبير إلا وهو مخلوق لله عز وجل. Donc il n'y a pas une chose dans les cieux et sur la terre, parmi les choses cachées ou les choses apparentes, parmi les petites choses ou les grandes choses, sans qu'il soit une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils ont été créés par Allah. Tout ce qui existe dans l'existence, tout ce qui existe dans l'existence a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Comme les choses apparentes dans le ciel, la lune, le soleil, les étoiles, les nuages, ou sur la terre, les arbres, les fleurs, les montagnes, les rivières, les océans, etc. Que les choses soient apparentes ou cachées, hein, tout ce qui est apparent, tout ce qu'on voit, mais aussi tout ce qui est caché, comme tous les microbes, les bactéries, hein, les maladies, et tout ce qui est minuscule et qu'on ne peut pas voir. Tout ça a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Toute chose a été créée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes ces choses rentrent dans le terme al-alamin. Hein? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma ma'na al-alamin? Kullu ma siwa Allah subhanahu wa ta'ala. Al-alamin, c'est tout ce qui est en dehors d'Allah. Et donc qui est créé. Allah a créé toutes ces choses. Que ce soit l'arche, le trône, que ce soit al-jannah ou al-nar, toutes ces choses sont créées par Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqawlak, huna, pardon, حذف المفعول إشارة للعموم لأن حذف المفعول يفيد العموم. Ça c'est dans la langue arabe, mais c'est facile à comprendre même pour les non arabophones. Ici Allah Azza wa Jal n'a pas mentionné le maf'oulun bihi, ce qu'on peut traduire en français par le COD pour ceux qui ont fait un peu de grammaire française. Le COD, c'est celui qui subit l'action. Akala Muhammadun al-Mawza. Mohamed a mangé la banane. Qui a mangé? Mohamed. C'est ce qu'on appelle en arabe al-fa'il. En français, le sujet. Qui a été mangé? Al-mawza. La banane. C'est ce qu'on appelle en arabe al-maf'ul bihi. Et en français, le complément d'objet direct, COD. Ici, regardez, Allah a dit quoi? Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Est-ce qu'il a mentionné qu'est-ce qu'il a créé? Non. Il a dit qu'il a créé. Sans mentionner qu'est-ce qui a été créé. C'est-à-dire sans mentionner le maf'oul. Allez, sans mentionner celui qui a subi l'action. Pourquoi? Parce que lorsqu'on ne mentionne pas le maf'oul, ça englobe toutes les choses. Ça indique quoi? Ça indique la globalité. Regardez, subhanallah. Hein? Regardez la langue arabe. Afin de ne pas conditionner la création d'Allah à une chose, il a enlevé le maf'oul. Afin que ça comprend tout ce qui existe. Allahu Akbar. Regardez, le Coran, c'est un miracle, mes frères. Le Coran fait partie des plus grands, si ce n'est le plus grand miracle qu'Allah Azza wa Jalla a descendu sur terre. إذ لو ذكر المفعول لتقيد الفعل به لو قال خلق كذا تقيد الخلق بما ذكر فقط. Si il avait mentionné le maf'oul, alors hein, il aurait conditionné hein, le verbe à ce maf'oul là, d'accord? Mais c'est-à-dire que s'il a dit qui a créé par exemple le ciel, c'est-à-dire que la création elle aurait été conditionnée par quoi? Seulement le ciel, le créateur du ciel. Mais ici en enlevant le maf'oul, il a donné la globalité, la généralité, il a dit tout a été créé. خلق الإنسان من علق. خص الله تعالى خلق الإنسان تكريما للإنسان وتشريفا له. Après avoir mentionné la globalité, hein, le caractère général de toute la création, maintenant il vient spécifier. Qu'est-ce qu'il dit? خلق الإنسان. Il a créé l'être humain. Il a créé l'être humain. Allah ici spécifie l'être humain. Pourquoi? Hein? Par noblesse et par hommage envers l'être humain. لأن الله تعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans surat Al-Isra, et nous avons certes honoré le fils de Adam, yani l'être humain. Et nous l'avons, hein, nous l'avons fait transporter sur la terre et sur la mer. Et nous l'avons donné, hein, toutes les bonnes subsistances. Et nous l'avons favorisé sur beaucoup de ce que nous avons créé. C'est ça que le shahid. C'est quoi ici ce qu'on a besoin dans le verset, c'est ça. Et nous l'avons favorisé. Nous avons favorisé qui? L'être humain sur beaucoup de ce que nous avons créé. Donc l'être humain a été favorisé sur beaucoup des créatures d'Allah Azza wa Jal. Donc voilà ici pourquoi il a mentionné khalaq al-insan par noblesse et par honneur envers l'être humain. Min alaq. Wal alaq ibaratun an dudatin hamra min ad-dam as-saghir. Min ad-dam saghira. Donc al-alaq, hein, c'est ce qu'on appelle en français un petit caillot, comme un caillot de sang. Un caillot de sang rouge. D'accord ? On pourrait traduire, dans certaines traductions du Coran, si je ne me trompe pas, ils appellent ça l'adhérence. Une adhérence. Mais on peut traduire aussi par caillot, hein, je pense que c'est plus parlant. Adhérence, Allah alam si tout le monde comprend vraiment le sens de adhérence. Donc ici, hein, c'est, il est écrit à partir d'un petit caillot de sang. وقد بين الله عز وجل أنه خلق الإنسان من علق ولكنه يتطور وبين في آيات أخرى أنه خلق الإنسان وبين في آيات أخرى أنه خلق الإنسان من تراب وفي آية أخرى خلقه من طين وفي آية أخرى من صلصال كالفخار وفي آيات أخرى من ماء دافق وفي آية أخرى من ماء مهين وفي هذه الآية من علق فهل في هذا تناقض الله أكبر. Ça c'est là, ça c'est Cheikh Al-Uthaymeen. C'est vrai que les Cheikh Al-Uthaymeen, ils reconnaissent ici, hein, son usloub, sa façon de faire. Allah Azza wa Jal a clarifié dans ce verset qu'il a créé l'être humain donc d'un caillot de sang ou d'une adhérence. Mais il y a une évolution à ça. Car dans d'autres versets, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne qu'il a créé l'être humain à partir de quoi ? Turab, à partir de poussière. Dans d'autres versets, il mentionne qu'il a créé l'être humain à partir de quoi ? Tin. Hein ? Tin, qui est, hein, qu'on pourrait traduire par l'argile. Wa fi ayatin ukhra, dans d'autres versets, il dit qu'il a été créé à partir de quoi ? Salsalin kalfakhar. Notamment dans Surat Ar-Rahman. Salsal, il traduit aussi par l'argile. Mais ici, quel fakhar ? C'est quoi le fakhar ? La poterie. Vous savez, la poterie, quand elle a été finie d'être modelée, quand on tape, c'est ting, quand on tape dessus, il y a un bruit, hein, résonnant. C'est ça, salsal. Hein, ça fait tac-tac, je ne sais pas si vous avez déjà vu une poterie fraîche, et quand on tape dessus, il y a un bruit spécial. C'est ça, salsal. Et dans d'autres versets, il mentionne qu'il a été créé à partir d'une eau giclée. Hein, comme dans le surat, tariq. Hein ? Min ma'in dafiq. Et dans d'autres versets, qui a été créé à partir d'une eau vile, à partir du sperme. Donc tous ces versets qui mentionnent à partir de quoi l'homme a été créé, est-ce qu'il y a une contradiction dans cela? Abadan, jamais. Al jawab laysa hunak tanaqud wa la yumkin an yakuna fi kalam Allah ta'ala wa ma saha an rasul Allah sallallahu alayhi wa sallam shay'un min at tanaqud abadan. فإن الله عز وجل يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. La réponse est bien sûr que non. Il n'a pas de contradiction. Et il est impossible qu'il y ait dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala ou dans ce qui a été rapporté de façon authentique par le messager sallallahu alayhi wa sallam qu'il y ait une quelconque contradiction dans les textes. C'est impossible. C'est impossible. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, hein, en venant réfuter cela, et s'il venait d'autres qu'Allah, et ni le Coran, s'il venait d'autres qu'Allah, tu aurais trouvé dedans beaucoup de contradictions. Mais là, le Coran vient d'Allah. Il n'y a aucune contradiction. Et si, hein, il y a des versets qui pourraient paraître contradictoires, ceci est dû au fait de la faiblesse de la science de l'être humain. Et les ulama, walillahi alhamd, ont clarifié toute potentielle contradiction qu'on pourrait avoir. Hein, et je vous conseille un livre de Sheikh al-Imam Mohamed al-Amin al-Shinqiti, rahimahullah ta'ala, le grand imam qui a écrit le fameux livre Adwa'ul Bayan, Tafsir al-Qur'an du Qur'an. Il a écrit un autre livre, mais subhanallah, là le titre il m'échappe, subhanallah. Inch'Allah, si je le retrouve, je vous le dirai, Inch'Allah. Dans ce livre, en fait, il mentionne les versets qui pourraient paraître contradictoires. Et il donne l'explication. C'est un livre magnifique. Je le conseille à tous ceux qui comprennent l'arabe de vous le procurer et de le lire. Al-Mu'im. Lakinahu subhanahu wa ta'ala yathkuru ahyanan mubdil khalq min wajhin wa mubdil khalq min wajhin akhar fa khalaqahu min turab. Donc Allah Azza wa Jalla, en fait, pourquoi il mentionne tout ceci? Parce que de temps en temps, il mentionne le début de la création selon un aspect et le début de la création de l'être humain selon un autre aspect. Donc il a commencé la création avec quoi? Min turab, à partir de la poussière. Lianna awwala ma khalaqa al-insana min al-turab. Car la première chose à partir de laquelle il a créé l'être humain, c'est al-turab, la poussière. Thumma sabba alayhi al-ma. Ensuite, il a versé sur cette poussière l'eau. Fakana tinan. Quand on met de l'eau avec de la poussière, ça donne quoi? Ou de l'eau avec de la terre, ça donne de l'argile. Hein? Donc il est devenu tin. Thumma istamara mudda fakana hama'an masnunan. Et donc il est resté comme ça à un certain moment, il a continué et c'est devenu quoi? Hama'an masnunan. C'est-à-dire une boue malléable. Une boue malléable qu'on peut modeler, qu'on peut. Hein? Modelé, n'am. Thumma talat muddatuhu fakana salsalan. Ensuite, le temps est passé et il est devenu un salsal, comme on a dit. Hein? Cette argile qu'on utilise pour les poteries. Yani idha darabathu biyadik. Yani idha darabtahu biyadik, tasma lahu salsala. Quel fakhar. C'est-à-dire, hein, ça veut dire quoi salsal? Hein? C'est si tu la frappes, cette argile, hein, avec ta main, tu entends le bruit comme le bruit de la poterie. Toc, toc, toc. Thumma khalaqahu azza wa jalla lahman. Ensuite, Allah l'a créé comme quoi? Avec de la chair. Wa khalaqa al-akhir min bani min banihi awwalam. Attends. J'ai sauté une ligne. Wa idaman, avec de la chair, pardon, et des os. Wa asaban ila akhirih. Et aussi avec des nerfs et des ligaments, etc. Ainsi, il a créé l'être humain. Hein, c'est-à-dire en par évolution. D'accord ? Hada ibtida'un al-khalq al-muta'allaq bi-Adam. Ça, c'est comment la création a commencé ? De Adam. De qui ? De Adam. Attention, on ne parle pas de tous les gens. On parle de Adam, alayhi salam. والخلق الآخر من بنيه أول منشئهم من نطفة. Alors que les autres, la création de ses descendants à Adam, hein, elle a commencé comment? Avec نطفة. يعني هي الماء المهين وهي الماء الدافق. C'est-à-dire avec le sperme. Avec le sperme. هذه النطفة تبقى في الرحم 40 يوما. Donc cette goutte d'eau, hein, c'est ce sperme, reste dans l'utérus de la femme pendant 40 jours. ثم تتحول شيئا فشيئا وبتمام الأربعين تتقلب بتطور وتدريج حتى تكون دما علقة. Ensuite donc, lorsque petit à petit elle commence à changer cette goutte, hein, et après que 40 jours a été complété, hein, elle évolue et elle devient un quoi? Elle devient du sang. Coaguler, yani un caillot de sang. Allahu Akbar. Regardez la création. Hein? Regardez comment le sperme il est. Et ça devient quoi? Un caillot de sang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qui d'autre que Allah Azza wa Jalla est capable d'une telle chose? Wallah, thumma wallah, thumma wallah. Il réunit les 8 milliards ou 7 milliards, Allahu A'lam, combien de personnes sur terre. Tu les réunis pour qu'ils puissent changer du sperme en un caillot de sang. Wallah, ils n'y arriveront pas. Car ceci est possible que du créateur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala. ثم تبدا بالنمو وتخون والثخون pardon وتطول شيئا فشيئا فاذا تم الثمانين يوما انتقلت الى مدغه يعني قطعه من اللحم. Ensuite, hein, elle évolue, elle commence à grandir, à s'accroître, elle évolue petit à petit jusqu'à lorsqu'elle complète 80 jours. Alhamdulillah. Elle devient quoi ? Moudra, c'est-à-dire un morceau de chair. Un morceau de chair. Yani un fœtus. Hein ? Fœtus. Wa tabqa kadhalik 40 يوما فهذا 120 يوما ويا بالاشهر 4 شهور. Ensuite elle reste comme ça, elle évolue pendant 40 jours, ce qui donne combien de jours? 120 jours, ce qui donne en nombre de mois 4 mois. وبعد 4 اشهر يبعث الله اليه الملك الموكل بالارحام فينفخ في الروح فتدخل الروح في الجسد باذن الله عز وجل. Ensuite, après les 120 jours, Allah Azza wa Jalla envoie qui ? L'ange. L'ange qui est chargé, hein, des utérus. Et il en souffle dans le fœtus, hein, son âme. Et donc son âme rentre dans le corps du fœtus, hein, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَالْرُوحْ لَا نَسْتَطِيعَ أَنْ نَعْرِفَ أَنْ كُنْهَهَا وَحَقِيقَتَهَا وَمَادَّتَهَا أَمَّا الْجَسَدْ فأصله من التراب ثم في أرحام النساء من نطفة لكن الروح لا نعرف من أي جوهر هي ولا من أي مادة ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. On va terminer très rapidement. Hein? Et donc l'âme, on ne peut pas dire de quoi elle est faite. L'âme, on ne peut pas dire c'est quoi sa réalité, comment elle est en réalité. L'âme, on ne peut pas dire de quelle matière elle est faite. Quant au corps, oui, le corps, la base, c'est la poussière et la terre que Adam a été créé. Puis dans les utérus des femmes, hein, c'est cette goutte de sperme. Mais Ar-Ruh, on ne sait pas, l'âme, on ne sait pas. On ne sait pas de quelle matière, de quelle, hein, de quelle, comment elle est faite. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit justement dans le Coran, hein, et il t'interroge au sens approché, et il t'interroge sur l'âme. Dis l'âme. Fait partie de l'ordre d'Allah Azza wa Jalla, ou de ton Seigneur, de mon Seigneur. Et on ne vous a donné de la science que très peu. Taïb Ad-Din. On termine très rapidement parce que j'aimerais terminer l'explication pour ne pas être coupé. Et de Knechir nous dit. فينفخ الملك الروح في هذا الجنين فيبدا يتحرك. Donc l'ange insuffle l'âme, hein, بإذن الله, avec la permission d'Allah, dans le fœtus, dans le fœtus, et donc il commence à bouger, hein, وبعد أن تنتفخ فيه الروح يكون آدميا يتحرك ولهذا إذا سقط الحمل من البطن قبل 4 أشهر دفن في أي مكان من الأرض بدون التغسيل ولا التكفين ولا صلاة عليه ولا يبعث لأنه ليس آدميا. Et donc c'est pour ça, si l'embryon ou si le fœtus, hein, meurt, hein, ou tombe, hein, avant le quatrième mois dans le ventre de la mère, hein, on l'enterre dans n'importe quel endroit, on fait un trou, on l'enterre. Et on ne le lave pas. Et on ne met pas un linceul. Et on ne prie pas sur lui. Et il ne sera pas ressuscité. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas un être humain. Ce n'est pas un être humain. Tant que l'âme n'a pas été insufflée, ce n'est pas un être humain. وبعد 4 أشهر إذا سقط يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقابر لأنه صار إنسانا. Par contre, après le quatrième mois, si l'enfant meurt dans le ventre de la mère, alors lui, il est obligatoire de le laver. On doit le mettre dans un linceul. Hein? On doit prier sur lui et l'enterrer dans les cimetières des musulmans. Car il est devenu un être humain. Hein? Et c'est pour ça, hein, quand vous êtes par exemple à Médine, on met 4 rouges chaque prière. Vous entendez Salat ou Al Mayyit, hein, ou Al Adfal. Subhanallah, par jour, tu entends 3-4 Al Adfal. Tu dis, comment ça, 3 ou 4 enfants qui sont morts? Mais en fait, c'est aussi ceux qui sont morts dans le ventre. Les fausses couches, Yanni, c'est très fréquent, malheureusement. Hein? Et donc, même les fausses couches après 4 mois, on le lave, on le met dans. Des fois, on voit des pères comme ça, ils ont un petit linceul comme ça. Et ils vont au cimetière et ils l'enterrent. D'accord? Parce qu'après 4 mois, c'est un être humain. On lui donne un nom. On lui donne un nom. Parce que le jour de la résurrection, il sera appelé par son nom. Et on fait la aqiqa pour lui. D'accord ? على كل حال هذا الجنين في بطن امه يتطور حتى يكون بشرا. Quoi qu'il en soit, ce fœtus qui est dans le ventre de la mère, donc il évolue jusqu'à qu'il devienne un être humain. ثم يأذن الله عز وجل له بعد المدة التي اكثر ما تكون عدة 19 اشهر فيخرج الى الدنيا. Ensuite, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, après un certain temps, et qui normalement ne dépasse pas 9 mois, l'enfant sort dans cette dunya. وبهذا المناسبة أبين أن للإنسان أربعة دور. Et donc ici, on va mentionner que l'être humain, il passe par 4 étapes. الدار الأولى في بطن أمي. Première étape, sa première demeure, c'est où? Le ventre de sa mère. الدار الثانية في الدنيا. La deuxième demeure, c'est quoi? C'est الدنيا. Nous, on est dans la deuxième demeure. On a fini la première et on est dans la deuxième. الدار الثالثة في البرزخ. La troisième demeure, c'est quoi? El Barzakh. C'est-à-dire après la mort et avant que Yom al-Qiyamah arrive, c'est-à-dire dans la tombe. وَالدَّارُ الرَّابِعَةِ فِي الْجَنَّةِ أَوْ النَّارِ وَيَا الْمُنْتَهَى. Quatrième étape, ou quatrième demeure, c'est le paradis ou l'enfer. Et ça, c'est la demeure finale. La demeure finale. On s'arrête là, Inch'Allah. On reprendra la semaine prochaine, si vous m'en pensez, à إِقْرَى وَرَبُّكَ الْأَكْرَى. Inch'Allah. جزاكم الله خيرا والله تعالى أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. شوف يا إخوة سبحان الله, on a fait deux versets, 53 minutes pour expliquer deux versets, mais l'année c'est pour vous montrer le tafsir et l'importance de comprendre. Maintenant, j'espère que chacun de nous, lorsqu'il va dire Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaq al-insana min 'alaq, dans sa tête, il y aura plein de choses qui vont venir. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements maintenant. On ne doit plus lire ces versets comme ça, comme si on ne comprenait pas le sens. Maintenant, on comprend le sens et ce que ça implique. Et donc, qu'on le mette en pratique, Inch'Allah, jazakumullah khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum.